Leçon 3B, exercice 9. Jeu de son. Deux souris sont à Paris. Elles entrent dans une épicerie. Qu'est-ce que c'est ? Mince ! Ce sont des fruits ! Elles entrent dans une boulangerie. Elles jouent ensemble sur les étagères. Regarde ! Des baguettes ! C'est super ! Deux souris dans un magasin. Au secours! Au secours, Julien!